À midi et demi, Lisbeth introduisit dans le cabinet de son cher maréchal, qu'elle ne quittait pas, tant elle fut effrayée des changements qui s'opéraient en lui, le notaire et le comte Steinbock. « Monsieur le comte, dit le maréchal, je vous prie de signer l'autorisation nécessaire à ma nièce, votre femme, pour vendre votre inscription de rente dont elle ne possède encore que la nue propriété. Mademoiselle Fischer, vous acquiescerez à cette vente en abandonnant votre usufruit. « Oui, cher comte, dit Lisbeth sans hésiter. « Bien, ma chère, répondit le vieux soldat, j'espère vivre assez pour vous récompenser. Je ne doutais pas de vous, vous êtes une vraie républicaine, une fille du peuple. » Il prit la main de la vieille fille et y mit un baiser. « Monsieur Hannequin, dit-il au notaire, faites l'acte nécessaire sous forme de procuration que je l'ai d'ici à 2 heures, afin de pouvoir vendre la rente à la bourse d'aujourd'hui. Ma nièce, la comtesse, a le titre. Elle va venir, elle signera l'acte quand vous l'apporterez, ainsi que mademoiselle. Monsieur le comte vous accompagnera chez vous pour vous donner sa signature. » L'artiste, sur un signe de Lisbeth, salua respectueusement le maréchal et sortit.